l'enfer de la faiblesse. Julien trouva le marquis furieux. Il accabla Julien de toutes les injures qui lui vinrent à la bouche. Notre héros fut étonné, impatienté, mais sa reconnaissance n'en fut point ébranlée. « Je ne suis pas un ange. « Monstre !» s'écria le marquis. Julien l'entendit se dire, à demi-voix, « Ce n'est point là un méchant homme. »« Non, je ne le suis pas pour vous, » s'écria Julien. « Quoi, ma fille s'appellera Madame Sorel ? Quoi, ma fille ne sera pas duchesse ?» Julien craignit d'être battu. Julien s'approcha de la table et écrivit. « Depuis longtemps, la vie m'est insupportable. J'y mets un terme. Je prie monsieur le marquis d'agréer, avec l'expression d'une reconnaissance sans borne, mes excuses de l'embarras que ma mort dans son hôtel peut causer. Que monsieur le marquis daigne parcourir ce papier. Tuez-moi, dit Julien, ou faites-moi tuer par votre valet de chambre. Allez à tous les diables, lui cria le marquis comme il s'en allait. Je comprends, pensa Julien, qu'il me tue. C'est une satisfaction que je lui offre. Mais parbleu, j'aime la vie. Je me dois à mon fils. Cet intérêt si nouveau en fit un être prudent. Il me faut des conseils pour me conduire avec cet homme fougueux. Il n'a aucune raison. Il est capable de tout. Hélas, il ne me reste que le sombre abbé Pirard. Son esprit est rétréci par le jansénisme. Il est capable de me battre au seul énoncé du crime. Le génie de Tartuffe vint au secours de Julien. Eh bien, j'irai me confesser à lui. Le lendemain matin, Julien était à plusieurs lieues de Paris, frappant à la porte du sévère janséniste. Il trouva, à son grand étonnement, qu'il n'était point trop surpris de sa confidence. « J'ai peut-être des reproches à me faire, » se disait l'abbé, plus soucieux qu'irrité. « J'avais cru deviner cet amour. Mon amitié pour vous, petit malheureux, m'a empêché d'avertir le père. » « Je vois trois parties, » continua Julien. « Premièrement, M. de la Mole peut me faire donner la mort. Deuxièmement, me faire tirer au blanc par le comte Norbert, qui me demanderait un duel. Troisièmement, il peut m'éloigner. S'il me dit « Allez à Édimbourg, à New York », j'obéirai. Alors on peut cacher la position de Mademoiselle de la Mole. Mais je ne souffrirai point qu'on supprime mon fils. » Ce sera là, n'en doutez point, la première idée de cet homme corrompu. À Paris, Mathilde était au désespoir. Elle avait vu son père vers les 7 heures. Il lui avait montré la lettre de Julien. Elle tremblait qu'il n'eût trouvé noble de mettre fin à sa vie. « S'il est mort, je mourrai, » dit-elle à son père. « Je le jure, à ses mânes. D'abord, je prendrai le deuil et serai publiquement Madame Veuve Sorel. Vous ne me trouverez pusillanime ni lâche. » Julien descendait de cheval. Mathilde le fit appeler et se jeta dans ses bras. « Laisse-moi conduire nos affaires, » s'écria-t-elle avec transport et en le serrant dans ses bras. « Adieu, fuis !» Ce dernier mot blessa Julien. Il obéit cependant. « Il est fatal, » pensait-il, « que même dans leurs meilleurs moments, ces gens-là trouvent le secret de me choquer. » Mathilde résista avec fermeté à tous les projets prudents de son père. Elle ne voulut jamais établir la négociation sur d'autres bases que celle-ci. Elle serait Madame Sorel. D'abord accueillie par des transports de colère, cette fermeté finit par donner des doutes au marquis. « Tiens, » dit-il à sa fille, « voilà une inscription de 10 000 livres de rente. Envoie-la à ton Julien. » Pour obéir à Mathilde, Julien était à Villequier. Ce bienfait du marquis fut l'occasion de son retour. Il alla demander asile à l'abbé Pirard, qui, pendant son absence, était devenu l'allié le plus utile de Mathilde. Toutes les fois qu'il était interrogé par le marquis, il lui prouvait que tout autre parti que le mariage public serait un crime aux yeux de Dieu. Deux ou trois amis de M. de la Mole pensaient comme l'abbé Pirard. Le grand obstacle, à leurs yeux, était le caractère décidé de Mathilde. Mais après tant de beaux raisonnements, l'âme du marquis ne pouvait s'accoutumer à renoncer à l'espoir du tabouret pour sa fille. « Qui l'eût pu prévoir ?» se disait-il. « Une fille d'un caractère si altier, d'un génie si élevé, plus fière que moi du nom qu'elle porte, dont la main m'était demandée d'avance par tout ce qu'il y a de plus illustre en France.